Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le théâtre du Grand Guignol. Le Grand Guignol, c'est un genre de théâtre qui a commencé au Paris et il présentait des spectacles d'horreur. Mais l'horreur était mélangée avec la comédie. Et à cause d'avoir les deux, on trouvait que ça augmentait l'expérience d'horreur et aussi de comédie. Donc il y avait plus de rire probablement à cause de l'horreur. Le metteur en scène Mike Chandler résume assez parfaitement l'esprit qui va régner pendant plus de 60 ans au Théâtre du Grand Guignol à l'émission Le Réveil en octobre 2010. Tout l'art de ce théâtre parisien sera justement de faire se côtoyer sur une même scène l'horreur et la comédie. Car quand l'horreur est à ce point exacerbée qu'elle devient outrancière, elle devient aussi ridicule et risible. Et c'est ce rire mêlé à la peur que vont chercher à créer les artisans du Théâtre du Grand Guignol de 1897 à 1963. Tout au fond de l'impasse, voici le théâtre de Grand Guignol. D'avril 1897 aux années 1960, l'hémoglobine ici a coulé. Les jambes sont froides? Très froides. J'espère qu'il ne va pas nous faire des troubles de circulation comme le volant de l'entière. Amputations, assassinats, égorgements sur fond de tensions dramatiques. Un genre théâtral tout à fait particulier, dont Agnès Pierron est la spécialiste. Enfin, j'ai réussi. Je possède le cerveau d'une femme intelligente. Il faut faire peur. Ça, c'est même assez primaire. Mais il n'y a pas que du sang. Il y a aussi ce qu'on a appelé des drames d'atmosphère. C'est-à-dire où l'imagination est plus forte que ce que l'on voit sur la scène. Comme on joue sur des mécanismes et sur des peurs enfantines, il faut qu'on arrive à susciter chez le spectateur des peurs ou des rires. Et en effet, que de cris d'horreur sur cette scène de l'impasse Chaptal où le succès se mesurait au nombre d'évanouissements. Il y avait un metteur en scène, l'un des plus importants, qui s'appelait Camille Choisy, qui était dans la coulisse et qui se frottait les mains en entendant le nombre de strapontins qui claquaient. Et quand il y en avait 16, 17, alors là, c'était le tabac complet. Extrait d'un reportage de France Info diffusé en avril 2013 au moment où le Théâtre 13, un théâtre de Paris, présentait trois pièces tirées du répertoire du Théâtre du Grand Guignol. Pour nous décrire ce théâtre très singulier, vous l'aurez déjà compris, que va faire le Théâtre du Grand Guignol de 1897 à 1963? Je reçois Alexandre Cadieux, ancien critique de théâtre au Devoir, maintenant chargé de cours à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal et au département de théâtre de l'Université d'ottawa. Alexandre Cadieux, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue Beauchamp à l'émission. Merci. Qu'est-ce que ça représente, ce genre théâtral très, très particulier, il faut le dire, qui se fera au Théâtre du Grand Guignol pendant à peu près 60 ans. Quelle importance ça a, ce Théâtre du Grand Guignol, dans l'histoire du théâtre, Alexandre Cadieux? Bien, aujourd'hui, on parlerait d'un phénomène culte, hein, d'un phénomène de genre, de niche, comme on le dit, du cinéma ou de la littérature fantastique ou de la science-fiction. Mais à l'époque, dans la première partie du 20e siècle, dans les débuts du 20e siècle, le Grand Guignol va être un phénomène populaire qui va attirer toutes sortes de publics, qui va être inscrit dans les circuits touristiques de Paris à une époque où Paris est en effervescence. Donc vont se croiser là les publics petits bourgeois, parisiens, mais aussi les touristes, les têtes couronnées d'Europe. Ça devient une espèce d'arrêt incontournable quand on passe quelques jours à un Paris. Un point d'intérêt. Voilà. Un théâtre qui compte. Voilà. Théâtre qui compte. Après, évidemment, on reste... c'est aussi une entreprise commerciale. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ça sera jamais considéré comme un grand théâtre. C'est ça. C'est un produit de niche, produit commercial, théâtre de niche. C'est vraiment... Oui. On offre un produit très ciblé. Voilà. Ouais. Qui naît dans les théâtres d'avant-garde, ouais, mais qui rapidement devient, un genre qu'on peut critiquer comme étant facile, comme étant racoleur. Et on entendait Agnès Pierron tantôt, qui est une des rares historiennes à s'être vraiment intéressée à ce phénomène-là, à lui accorder une importance, donc à sauver comme ça une sorte de tradition populaire de l'oubli par snobisme intellectuel. Et qui va quand même durer, c'est pas rien, 60 ans, ce théâtre. Mais Guignol, mais qu'est-ce que tu fais avec ce grand breton? Eh bien ça, chef, c'est pour remuer les sauces dans les grosses marmites. Mais enfin, Guignol, tu vas quand même pas faire une sauce maintenant. Mais si, on m'a demandé de faire un plat de cervelle. Un plat de cervelle? Oh les enfants, j'espère que c'est de la cervelle de mouton, c'est la meilleure. Non, c'est de la cervelle de poulet. Quoi? Mais la cervelle de poulet, ça se mange pas? Mais si. Mais elle est où ta cervelle de poulet? Sous ton chapeau. Quoi? Mais non, sous mon chapeau, c'est ma tête. Ben oui. Oh! C'est peut-être la plus grande gloire de Guignol. Vous vous rendez compte que Laurent Mourguet a créé un personnage qui est devenu tellement célèbre qu'il est devenu un nom commun. Il y en a très très peu dans l'histoire du théâtre. Il y a peut-être, regardez, il y a peut-être Don Juan, hein, et puis il y a peut-être Tartuffe. Et encore, oui. On ne dit pas très souvent, tu es un Tartuffe, c'est non, quand même on dit rare. Plus, fais pas le guignol. Tandis qu'aujourd'hui, fais pas le guignol, moi si on me l'a pas dit 1000 fois, on me l'a pas dit. Faire le guignol, ça veut dire s'agiter, ça veut dire faire la bagarre, ça veut dire jouer, ça veut dire raconter des histoires, ça veut dire tout ça. Quoi. C'est être pas sérieux, c'est être un enfant, c'est être espiègle, c'est être gay. Fais dodo, qu'on a le petit chef, fais dodo, t'auras du lolo en prison. L'écrivain français Paul Fournel à l'émission Indicatif présent en décembre 1995, de même qu'un extrait de la pièce Les marionnettes de la Tour penchée. Dans le nom même du théâtre du Grand Guignol, on retrouve le nom de Guignol, Alexandre Cadieu. Guignol, c'est celui qu'on vient d'entendre dans cet extrait de pièce pour enfants. C'est ce personnage de notre enfance qui tape ça avec un bâton sur la tête du gendarme. Et puis c'est devenu, on l'évoquait aussi dans l'extrait, ce personnage de Guignol, il s'est introduit dans la langue de tous les jours. Qu'est-ce qui reste de ça? Parce qu'il fait partie, Guignol, du nom du théâtre du Grand Guignol, qui pourtant fait un théâtre d'horreur, un théâtre pour adultes. Qu'est-ce qui reste du Guignol qu'on connaît, de l'esprit de ce Guignol de notre enfance, dans ce qui se fait sur les planches du théâtre du Grand Guignol? Oui, ça peut étonner. Guignol, c'est le personnage irrévérencieux, pour enfants, tout ça. Après, on l'a bien entendu dans l'extrait, Guignol, c'est quelqu'un qui sort jamais sans son gourdin hein, et qui s'en sert de manière... très régulière sur la tête du patron, sur la tête du gendarme. Donc, il y a cette charge de violence chez Guignol, qui nous amuse comme nous amusent les dessins animés. Il y a une violence, des fois, dans certains dessins animés, mais il y a une charge de violence. Et Guignol, il porte aussi une charge critique, une charge politique. Hein? Guignol... S'attaquer aux puissants. Ben oui, c'est un ouvrier de la soie, Guignol. C'est un canut, hein? C'est un personnage qui vient de Lyon, la ville de Lyon. Et c'est justement celui qui se moque du patron. Et Guignol, à son départ, a été censuré à cause de cette charge critique-là. Le Guignol de l'enfance. Le Guignol de l'enfance. Ouais. Dans ses premières années, hein, donc on a bien vu qu'il y avait là... on s'en prend au patron, on s'en prend à l'autorité, on tente de le faire taire. Et Oscar Métanier, qui... 70 ans plus tard, à Paris, fonde son théâtre du Grand Guignol, avait eu affaire à la censure quelques années auparavant à cause du contenu de ses pièces d'un auteur dramatique. Et au moment de baptiser son théâtre, il se dit, on a tenté de faire taire Guignol, on a tenté de me faire taire, mais je persiste et signe et je m'inscris dans une filiation comme celle-là. Et même si, encore une fois, le théâtre du Grand Guignol est un théâtre d'épouvante, un théâtre d'horreur, un théâtre pour adultes, où quand même l'horreur fait rire, il y a... et qui n'a rien à voir avec le Guignol qui tape sur la tête du gendarme, il y a quand même une parenté, l'esprit des révérences. Oui, et qu'on trouve, vous le disiez en ouverture, on a gardé Guignol dans la langue, mais on a aussi gardé Grand Guignol, Grand Guignolesque dans la langue, qui renvoie à ce que vous décriviez très bien, c'est-à-dire une violence qui, à un moment donné, est tellement exacerbée, on pense à des parodies de films d'horreur, donc tellement exacerbée que ça devient kitsch, que ça devient drôle. Oui, quand c'est trop, les jets de sang, les choses comme ça, là, quand, les démembrements, mais qui deviennent caricaturaux, ridicules. Et c'est un équilibre qu'on cherche au Grand Guignol, parce qu'on ne veut pas non plus seulement faire rire. Alors revenons à ce personnage, Oscar Métainier, dont vous nous parliez, et à la création en 1897 du théâtre du Grand Guignol. Dans quel contexte apparaît ce théâtre? Qu'est-ce qui fait que Métainier se dit, tiens, j'y vais, je me lance et je crée ce théâtre qui va faire une forme de théâtre très particulière? Oui, c'est la Belle Époque. Donc, on est dans le Paris de la fin du 19e, c'est l'effervescence, c'est les expositions universelles, c'est bientôt les Jeux olympiques, la peinture, la musique, le progrès technique. On est dans une période de grande effervescence, pris en sandwich, je dirais, en deux épisodes sanglants. la guerre contre les Prussiens, 1870, c'est 1871, la révolte de la Commune, donc c'est presque la guerre civile, donc Paris a cette cicatrice-là. Et après, ça va être la Première Guerre mondiale. Mais il y a, entre ces deux moments-là, ce qu'on appelle la Belle Époque, où il y a de la misère, où il y a de la pauvreté, mais où va particulièrement profiter de toute cette effervescence-là les classes de petite bourgeoisie, moyenne bourgeoisie. C'est eux qui remplissent les théâtres. Métainier fonde son théâtre dans un bâtiment, ça c'est fascinant, qui est d'abord un ancien couvent janséniste, donc qui était quand même connu pour leur grand rigorisme moral, et on installe le théâtre dans l'ancienne chapelle, où on va conserver entre autres des angelots sculptés, qui là, évidemment, dans le contexte, prennent un côté beaucoup plus morbide que mort. Et il y avait aussi un peintre, là, Rochegrosse, qui avait eu son atelier quelques décennies auparavant, qui était connu pour ses représentations très sanglantes de grandes scènes bibliques ou historiques. Donc le lieu est déjà un peu hanté par ça. Métainier, son père était commissaire de police. Et donc, il a joué pendant quelques années cette fonction étrange qu'on appelait à l'époque « chien de commissaire ». Donc, il veillait sur des prisonniers ou des condamnés ou des gens qui avaient été arrêtés. Ce qui fait qu'il devient le récipient d'une foule de récits sordides qui vient des bas-fonds de Paris. Donc, tous ces les prostituées, les petits voleurs, les petits assassins, tout ce qui vient nourrir aussi les faits divers dont, à l'époque, le public est très friand, ben, il est l'espèce de confident de ça. Et apparemment que c'est un grand raconteur. Et il utilise toute cette matière-là pour écrire des pièces de théâtre. Donc, ça sera sa matière première, ce monde-là, interlope, les faits divers, le sang, tout ce que ça veut dire. Voilà, qui fascine à ce moment-là. Il y a un côté voyeur chez la classe un peu bourgeoise, petite bourgeoise. Donc, on s'intéresse à cette chose-là, tant qu'elle est loin de nous, évidemment. Donc, on va mettre ça en scène à partir de 1897. Pour mieux comprendre encore, racontez-nous comment ça se passe, une soirée au Théâtre du Grand Guignol. Quand on y va, qu'est-ce qu'on nous présente? Un soir au Grand Guignol? Comme c'est le cas souvent à l'époque, une soirée au Grand Guignol, c'est plusieurs pièces. Ouais. C'est la pièce en un acte, c'est la pièce en deux actes. Donc souvent, surtout dans les premières années, on va présenter 4 ou 5 pièces à chaque soir. Donc ça va vite. Oui, quand même. Et on propose donc une pièce en deux actes, on va dire peut-être 40 minutes peut-être pour la grande pièce, mais sinon c'est un peu plus court. On va faire alterner les pièces chaudes et les pièces froides. C'est l'idée de la douche en alternance. Donc on va un petit peu conforter le public avec des farces un peu graveleuses, un peu avec un érotisme un peu bouffon. Bon, on reprend des pièces de Courteline, par exemple. C'est le théâtre bourgeois, un peu de Fido. Donc, on excite un petit peu avec ça. Ouais. Et une fois que le public est en confiance, très bien, ben là, on lui balance ses drames d'horreur. Ouais. Dans lequel on va puiser dans le fond du fait divers, où on s'inspire aussi un peu du mélodrame, de choses comme ça. Et là, ben voilà, on va utiliser tout l'arsenal disponible des effets spéciaux et des peurs pour créer chez le spectateur ces réactions très, très fortes. Parce très que les effets spéciaux, effectivement, avec les moyens de l'époque, évidemment, mais on soigne la mise en scène, ça fait partie du style Grand Guignol. C'est un théâtre sensationnaliste, autant dans les thématiques que dans la manière de présenter ces thématiques. Tout à fait. On développe un arsenal là, de faux couteaux, faux poignards, etc. Comment on peut démembrer les acteurs sur scène, comment on peut scalper, arracher les yeux. Bon, il y a tout, les yeux de verre, tout ça, les pompes pour faire jaillir le sang des veines, les entrailles et tout ça. Il y a toute une spécialité, là. Et encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt, ce mélange, au fond, la peur, on veut créer... donc, on en met plein la vue, mais parfois, c'est tellement... Donc, et ça provoque certains évanouissements, on entendait dans le reportage. Oui. Mais parfois, c'est tellement gros qu'on éclate de rire aussi. Il y a juste trop de sang, par exemple. Mais ça pose, M. Beauchamp, et ça traverse un peu toute l'histoire du théâtre, le problème de la représentation réaliste de la violence. C'est-à-dire que la violence sur scène... Quand on essaie de la représenter de façon naturaliste, quand c'est raté, on décroche. C'est cette claque qu'on fait semblant d'asséner à son partenaire, puis que finalement, on frappe dans sa propre main pour faire un bruit. Dans la salle, on voit le truc, et puis on décroche parce que c'est raté. Mais de l'autre côté, quand c'est trop réussi, la représentation de la violence, on décroche aussi parce que soudainement, on a peur pour l'interprète. Ouais. On n'a plus peur pour le personnage. On sort de la fiction. Fait que ça pose cette question-là. Et on va toujours essayer au Grand Guignol de, surtout dans les premières années, de rester dans, quand même dans le plus réaliste possible, dans le plus réussi. Il y aura quelques figures importantes au Grand Guignol. Oscar Métainier qui crée le théâtre dans le contexte dont on a parlé il y a quelques minutes. Max Morais qui va prendre la relève, qui lui va être vraiment l'homme d'affaires, celui qui va mettre... Vous parlez de produits, hein, c'est l'homme du marketing. Camille Choisy, on l'évoquait dans le reportage. Ouais. Ça, c'est... Choisy, c'est vraiment... quoi, c'est la fin des années 10. Lui, c'est le maître. C'est la grande époque du Grand Guignol. C'est la plus grande époque. Morais va avoir développé le produit, le marketing. Il sort jamais s'il n'est pas accompagné de ses gardes du corps, par exemple. On crée cette espèce de personnage-là. On compte, Choisy le faisait, mais le Morais le faisait avant. Ouais. On compte le nombre d'évanouissements. On assure avant le spectacle qu'un médecin est dans la salle au cas où... Donc voilà, on prend ces précautions-là, on nourrit cet imaginaire-là. Ouais. Choisy va tabler là-dessus aussi, mais va être le metteur en scène. Il va travailler l'interprétation. C'est lui qui va... Lui, il croit au sérieux de cette chose-là. Ouais. Tout comme Métainier croyait au côté... Métainier s'inspirait de Zola, c'est-à-dire que c'était un théâtre sociologique du détail. Et Choisy dit il faut soigner aussi ces choses-là. Donc, on n'est pas juste dans le grotesque. Faisait travailler les interprètes comme des chevaux pour atteindre une certaine forme de perfection. Ouais. Donc, acceptait pas l'amateurisme. Et pousser ce genre-là aux limites de ce que ça peut être sur le plan artistique. Voilà. Évidemment, il y a des auteurs au départ. Parfois, on ira chercher dans le répertoire classique Edgar Allan Poe, Maupassant, mais des auteurs qui vont se consacrer spécifiquement à ce théâtre fait au Grand Guignol, dont celui qu'on appelle le prince de la terreur, André Delorde, dont on écoute un extrait de la pièce Le château de la mort lente, présenté le 28... Ouais, ça en dit déjà pas mal, le titre, ça fait sourire. Présenté le 28 novembre 2016 dans le cadre de l'émission Les Nuits de France Culture. En prison, vous y êtes. Vous y êtes. Depuis le moment où la porte de cette maison s'est refermée sur vous. Quoi? Et savez-vous où vous êtes entré? Au château du Val-Noir. Au château du Val-Noir, dans ce lieu de ténèbres où finissent de mourir les riches, atteints de cette inguérissable maladie. Quelle maladie? La lèpre. La lèpre? Oui, la lèpre. Regardez son cou. Et regardez mes mains. Vous comprenez pourquoi le fort fait bonne garde. Alors, extrait de cette pièce écrite par André Delorde, Le château de la mort lente, reprise en 2016 à France Culture. Qui est-il, André Delorde, et quelle importance il va avoir dans l'histoire du Grand Guignol? Bien, de jour, à la ville, André Delorde est un paisible bibliothécaire qui travaille à la Bibliothèque nationale. Et de nuit, il devient cet auteur qui écrit plus de 120 drames d'horreur, les titres aussi... évocateur que l'horrible expérience, la dernière torture, etc. La mort rouge. Ouais. Bon, voilà. Et il va être aussi théoricien du théâtre d'horreur. Et il va défendre sa propre œuvre et son genre en écrivant des traités, des articles, des essais sur le sentiment d'horreur au théâtre qu'on recherchait dès les Grecs. Hein, ça fait partie de la catharsis et tout ça. Et Delorde va entre autres écrire ses pièces souvent en collaboration avec un psychologue qui s'appelle Alfred Binet. Et il a cette prétention-là. Ben oui, il a cette prétention-là. Scientifique. Entre autres, on s'intéresse, et ça fait partie des choses qui fascinent et qui font peur en même temps. Début du 20e siècle, fin 19e, c'est le développement de la psychologie, de la psychiatrie. Ouais. On fait sortir, soudain, on a des mots pour parler de phénomènes comme l'hérédité, par exemple, la psychose, la névrose, le sadisme. Tout ça frappe l'imaginaire. La peur de soi-même, le monstre qui sommeille en chacun de nous. Exactement. Ouais. Donc, le monstre n'est plus à rechercher dans les forêts ou les châteaux hantés. Tout le monde peut être porteur de ça. Ouais. On est fasciné, par exemple, à l'époque, on invente la transfusion sanguine. Mais là, à partir de... Mais à qui appartenait ce sang qu'on me trans... Vous avez un scénario là, pour une vingtaine de pièces. Est-ce le sang d'un assassin? C'est ça qu'on va mettre en scène soir après soir au Grand Guignol. Dans les figures importantes, il y aura aussi, bien sûr, ceux et celles qui vont interpréter ces personnages. L'une des plus célèbres comédiennes du Grand Guignol, c'est Paula Maxa, à qui Netflix a consacré un documentaire, La femme la plus assassinée du monde, réalisé par Franck Ribière en 2018. Tout est recollé. Je n'ai pas de cicatrice et pourtant, J'ai été assassinée plus de 10 000 fois sur scène. Flagellée, martyrisée, coupée en tranches, recollée à la vapeur, passée au laminoir, écrasée, ébouillantée, saignée, vitriolée, empalée, désossée, pendue, enterrée vivante, bouillie au pot-au-feu, éventrée, écartelée, fusillée, hachée, lapidée, déchiquetée. Extrait très révélateur de ce qui se passait chaque soir sur la scène du Théâtre du Grand Guignol. Qui est donc cette fameuse Paula Maxa, Alexandre Cadieux? Bien, c'est la marathonienne de l'horreur, hein? C'est l'égérie du Grand Guignol, surtout dans les années 20 et les années 30. Elle va quitter le Grand Guignol en essayant de partir elle-même son propre théâtre, hein? Donc elle va, à partir de cette expertise qu'elle a développée au contact des auteurs, des metteurs en scène. Mais oui, tout ce qu'on vient d'entendre, des statistiques exceptionnelles, hein? Assassinée plus de 10 000 fois, violée plus de 3 000 fois sur scène. Et ce film-là, qui tient du drame biographique, mais dans lequel on va faire un peu du Grand Guignol à partir de la vie de Paula Maxa, apparemment qu'elle-même, à un certain moment, a peut-être eu un certain nombre de troubles psychologiques où elle confondait un petit peu. Hein? Peut-être qu'on ne subit pas autant d'horreur au travail sans que cela nous affecte. Mais oui, bon, elle apparaissait sur les affiches. Ouais. C'était quand même une grande vedette. Puis dans l'extrait, on entend ce petit côté coquin dont vous parliez, là, ce théâtre qui joue un peu sur cette corde aussi. Hein? C'est presque un striptease. Elle déballe l'une après l'autre les façons dont elle est morte, mais comme si, oui, avec cette musique de striptease, finalement. Ça va prendre... dès les années 30, il commence à décliner, le Théâtre, oui, du Grand Guignol, mais il ne mourra qu'en 1963. Comment ça va se vivre, cette longue agonie? Ben, d'abord, il y a la compétition du cinéma. Ça, c'est sûr et certain. Le cinéma est un dur compétiteur pour le théâtre. Et très rapidement, entre autres sur le plan de l'arsenal d'effets spéciaux, on ne peut plus rivaliser avec, ouais, ça. On ne peut pas rivaliser avec ça. Après, s'il y a eu un regain de vie au Grand Guignol après la Première Guerre mondiale, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui va complètement achever ce type de divertissement-là. Hein, c'est Annalise Nin qui notait dans son journal, après la guerre, elle va au Grand Guignol, et puis elle dit, bon, ben après la guerre, après les camps de concentration, ce que ce théâtre nous présente-là, c'est dérisoire, c'est enfantin. Ouais. Donc, plus de résonance. Ben, c'est qu'après, une fois qu'on peut médiatiser les horreurs des camps, ouais, les horreurs des régimes nazis, par exemple, ben, les gens en ont peut-être assez aussi de ce genre de choses-là. C'est peut-être plus si divertissant que ça, ouais, que de contempler le visage du mal ou cette part-là de l'humanité qui peut faire ces choses-là. Voilà, donc là, ça va vraiment décliner, ça va être un phénomène culte, ouais, mais ça va finir par mourir. Marginal. Ouais. Ouais. Alexandre Cadieux, chargé de cours à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal et au département de théâtre de l'Université d'Ottawa, ancien critique théâtral au Devoir. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.